Chapitre 209. Le mérite d'accomplir deux unités de prière après les ablutions. 1146. Selon Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, interrogea un jour Bilal, radiyallahu anhu. « Ô Bilal, quelle est l'œuvre que tu as accomplie depuis que tu es musulman et dont tu espères le plus de récompenses ?»« En effet, j'ai entendu le bruit de tes sandales devant moi au paradis. » Bilal répondit, « Je n'ai pas accompli d'œuvre qui me donne plus d'espoir que celle-ci. Je ne me purifie jamais, par les petites ou les grandes ablutions, sans faire suivre cette purification de ce qu'il m'est donné comme prière, et ceci de nuit comme de jour. » Al-Bukhari et Muslim.